me fous maintenant en location. Là j'accélère et la désensation. J'fais des délits là peu dans le caleçon. Et j'fais le signe tout en célébration. Ne te mêle pas de nos conversations. Au quartier ça tombe pour association. Pour braquer la snap pour des rotations. Y'a pas de chez les schmitts qu'à des convocations. Mets ton cas au fond de la passion. Attention. J'suis à la station. J'ai pensé à tous les yeux. J'ai trimé un maman pour moi, elle s'inquiétait. Maintenant je fais la zika, je fais danser le chica tout l'été. Je suis pas héros, je peux pas tout remettre à zéro. Déjà en plein dans l'apéro, avec mes sangs sur les verrous. Moi j'ai des trucs à, ça m'en bouge qu'un apport des verres. À l'enseigne y'avait héros, faisais mes petites affaires. Et de toute façon, il est ça. On a fait la fusion, mais les gars, y'a plus cadeau là, je vous dis ciao. On est à toi, là, c'est mythique. Fais pas attention à tes petits pics. Tu veux nous un comme une petite pique. Mais on te la fait pas, on est en Gigi. Elle fait la folle, elle fait ça, Mia. Mia. Elle est sous votre Cassandria. Merci au J. Merci la zone. Merci au J. Obligé, le J, c'est le oh. S. Ok. La famille, la ville reste là. Franchement, je veux que vous fassiez un maximum de bordel pour ce génie, pour ce génie de la musique qu'on appelle Jules, s'il vous plaît. Ok. Depuis tout à l'heure, je suis avec mes enfants. Tu nous régales, Moussa. Merci, grosse force. Tu nous régales, merci beaucoup. Merci, au revoir, merci. Faites du bruit pour Naps et Alonso, les gars. Non, non, non, non, non, non, non. Faites du bruit pour Naps et Alonso. Marseille, bébé. Merci, Marseille. Merci à vous. Ciao, merci ciao. À tous, normal. Merci à tous. Par contre, moi, avant de finir, juste, je tenais à faire des remerciements vite fait. Vous savez que moi, en dédicace, c'est des romans. Hein. J'ai des grosses dédicaces à faire. Alors là, je voulais faire une dédicace pour Iso, le directeur artistique. Merci bien la zone du bruit pour Iso. À la basse, Didier. Du bruit pour Didier. au platine. Faites du bruit pour Didier Deck. À la batterie, faites du bruit pour Chris. Une grosse dédicace à Georges au clavier. Faites du bruit pour Georges. Bien sûr, faites du bruit, s'il vous plaît, pour mes backers Wari et Moubza. Après, je voulais faire une grosse dédicace pour toute ma famille, pour toute ma famille, pour tous mes collègues, tous mes potos qui sont là, tous ceux qui ont participé à tout ça là. Moi, je me suis entraîné dur depuis janvier, je suis dessus là. Je suis à fond, je veux dédicacer tout cela. Donc, dédicace à Doré de Platine, dédicace Karine, Damien, grosse dédicace à Baby Boy, grosse dédicace à Zach, grosse dédicace à Chico, mon frère, grosse dédicace à Ché, grosse dédicace à Vrenki, Abdel, grosse dédicace à tous ceux qui sont avec moi à la gratte, Nanterre, grosse dédicace à Karim, grosse dédicace au Vrenki Abdul, grosse dédicace à Zbig, Marlo. Grosse dédicace à tout le monde, à tout le monde très organisé aussi. Grosse dédicace aux très organisés. Grosse dédicace à tout le monde. Grosse dédicace à Believe. Grosse dédicace. Alors, une grosse dédicace à Live Affair au son. Une grosse dédicace à Nico, Amido et Kaku au son. Hein, au retour, faites du bruit pour Chris et toute l'équipe. Alors, à la lumière, Alex, Steven, grosse dédicace, feu, grosse bruit, gros bruit pour eux, s'il vous plaît. Pour les médias, c'est Matteo et Cutback, grosse force à eux, du bruit. Max et Malik pour la scène. Les danseurs, samedi, merci la zone. Et alors là, du bruit s'il vous plaît, parce que ça a été vraiment carré. Du bruit pour Lala et Punt. Allez l'équipe. Et grosse dédicace à Alice. Merci la zone, Mimistre. Et aussi une grosse dédicace aussi à tous les quartiers de Marseille. Quartier Sud, Quartier Nord, Centre-Ville, de partout c'est la même. Grosse force à tout Marseille, grosse force à tous les rappeurs de Marseille représentent, voilà, je les représente ce soir. Et surtout, une grosse dédicace à toutes les prisons, les Baumettes, Luynes, tout ça là. Grosse dédicace de Paris à Marseille, les prisons, toutes les prisons de France. Grosse dédicace à tous les quartiers de France et aussi à tous les hôpitaux, les enfants malades, tout ça, je fais une grosse force à eux. Gros respect, grosse dédicace, gros big up. Et en dernier, parce que du bruit pour les meilleurs, non? Faites du bruit pour vous. Bon. Faites du bruit. La vérité, pour moi, tout, j'aurais aimé rester encore et tout. Je sais pas quelle heure il est, je sais pas ce qu'on fait. Mais moi, je crois que je dois bouger, les gars. Sur Pépé. Ça y est, moi. Ça y est. Finito. Je rentre. Hein. Ah, c'est bon, je rentre. Moi. Désolé ma team, mais je rentre, c'est bon, je suis fatigué. On a craché au niveau du haut. Ah ouais. Quoi tu veux? Y'a la Tungo là? Elle est où la Tungo? Je vais rentrer en Tungo moi. Non? Elle est où ma Tungo? Je trouve pas ma Tungo. T'es ma Tungo. Ma Tungo. parce que